Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbo vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbo Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de la NFL samedi matin. Comme samedi, on parle avec notre ami Marc Diquet de Radio X. Salut Marc. Salut Dani, ça va bien? Oui, ça va. Et Marc, ça va mieux que les Packers de Green Bay, hein? Oh. Et tabarouette, hein? Les Packers que beaucoup voyaient au Super Bowl. Écoute, la saison n'est pas terminée, sauf que je pense que c'est pas que Brent Hudley, qui était un choix de 5e round en 2015, que tu peux espérer aller loin. Ben, ça... on va le voir. Écoute, oui. Je pense pas, Danny, que Brett Hudley, ce soit la solution. Puis, tu sais, si on regarde le match dans lequel il évoluait contre les Vikings, tu sais, on a bien beau dire qu'un carrière numéro 2, il faut qu'il soit tout court prêt. C'est de la bullshit, là. Mm-hmm. Il était pas prêt pour ce match-là, puis il s'est fait ramasser comme du poisson pourri dans la défensive des Vikings. Mm-hmm. Mais, tu sais, on va pouvoir juger de sa qualité, de son travail contre les Saints. Mais, effectivement, là, moi, ma barre des attentes, là, concernant Hudley, là, mm-hmm. est à 3 cm du sol, tu sais. Fait qu'il faut pas trop rêver en couleur, là. Ah, on regarde, puis Et là, c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le cas de Colin Kaepernick. Hein. Colin Kaepernick, écoute bien, là, il y aurait. Tu sais, c'est sûr que c'est pas le sauveur, là, mais qu'on veut même pas l'appeler. C'est clair, là, Kaepernick, il poursuit les propriétaires pour cas de collusion. Ça va être très dur à prouver, par contre, là. Mais c'est là que tu vois quand même qu'il y a un guise sur roche. Écoute, Kaepernick, c'est quand même pas l'un des pires carrières, là. Puis là, les Packers sont des sérieux aspirants. C'était des sérieux aspirants à la blessure de Rodgers Super Bowl. C'est mieux que Brent Hudley, puis c'est mieux que les autres, là. Kaepernick, on dit que ça se trouve pas. Tu sais, on dit que ça se prouve pas Kaepernick, sauf que si Kaepernick arrive en cours, puis tu compares sa fiche avec celle des deuxièmes et troisièmes carrières, ça va être dur à battre. C'est comme logique, c'est dur à battre, là. Ouais, donc ça va être très dur. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Donc, mais les Packers, ça va être très difficile. Ce qu'on va faire, probablement qu'on va. Normalement, un cas recru comme ça, on donne beaucoup le ballon au sol. Donc, c'est ça qui risque d'arriver. Hein. Ty Montgomery risque d'avoir beaucoup de travail. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, on parle beaucoup d'aller par transaction, peut-être aller chercher. Un Garoppolo avec les les Pats. Les Pats. Mais c'est drôle, je pense pas qu'il est disponible. Lui, étrangement, j'ai l'impression que Tom Brady, si on remporte le Super Bowl, pourra peut-être décider de s'en aller l'année prochaine. Mais tu sais, il y a Jim McCarron à Cincinnati, mais encore là, ces gars-là, c'est pas sûr qu'ils vont se faire gagner, là, loin de là. Ben alors, c'est clair. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Tu parles des passes pour le Super Bowl, oublie ça, là. La tertiaire qu'ils ont, là, c'est d'une tristesse épouvantable. 7e, 8e semaine dans la NFL, tes matchs à surveiller. Ben écoute, les Buccaneers contre les Bills, c'était peut-être un peu spécial. J'ai hâte de voir les Bills si vraiment leur saison est capote. Mm. Mais les Buccaneers, je pense que c'est un match que si on veut montrer qu'on progresse, qu'on n'a pas le choix de gagner. Ça fait partie des matchs qui m'intéressent évidemment. Les Falcons contre les Patriots en fin de soirée, dimanche. La reprise du Super Bowl, est-ce que j'ai hâte de voir les Falcons avec le couteau entre les dents, d'après moi, ça va être, hein? Ouais, mais les Falcons, le couteau entre les dents, là, ils étaient où contre les Bills? Ouais. Ils étaient où? Ils ont perdu contre Miami. Ils étaient où contre Miami, le couteau? Il était dans l'armoire, puis c'était le couteau à beurre qu'on a sorti. C'est ordinaire. Hein? Tu sais, les Falcons, je suis déçu de leur saison, comme c'est pas possible. Mm. Puis les Patriots, tu sais, on en parlait tantôt, ils veulent la tertiaire, puis défensivement, ils partent, là. C'est pas une grande puissance non plus, là. C'est vraiment incroyable dans le cas des Pats, la défense. Ils ont concédé 6 matchs de fil à 300 verges. Honnêtement, puis c'est pas la première fois qu'on en parle, puis je veux pas avoir l'air d'un gars qui fesse dessus, quoique bon. pense pas que mes propos sont dans ses oreilles, là, mais Matt Patricia, j'ai l'impression que profite de ta saison, mon homme, parce que c'est peut-être ta dernière. Oui, effectivement. T'as-tu d'autres matchs? Moi, j'en ai deux, trois à surveiller. D'abord, je pense que c'est le même match que toi, c'est la reprise du Super Bowl en Atlanta et, ouais. Et également les Pats. J'ai hâte de voir comment les Falcons vont sortir. Ils ont certainement pas oublié leur remontée au Super Bowl. Matt Ryan contre l'unité défensive des Pats, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et également, l'autre match que je veux surveiller, c'est Washington-Philadelphie. Oui, effectivement, lundi, ouais. Ouais, dans le cas du Monday Night Football, les Redskins qui sont quand même... Écoute, les Eagles, c'est... qui aurait dit ça, hein, dans les fameux Power Ranking? On dit que les Eagles sont au premier rang. C'est incroyable, il n'y a pas personne qui l'a vu venir, ça, là, jusqu'à maintenant. Jamais dans 100 ans. La progression de Carson Wentz, c'est quand même incroyable. Ce gars-là se comporte comme un... Ben, c'est un vétéran, c'est la deuxième année, là, mais quand même, ce gars-là joue du très, très gros football. Les Eagles sont confiants, ils semblent avoir du fun. Dangereux une équipe comme ça. Et les Redskins, honnêtement, je m'attendais pas à une aussi bonne saison que ça dans leur cas. Hein. Kirk Cousins joue du bon football. Ouais. Puis ça, c'est un match très, très important. Parce que là, tu te regardes Dallas qui ne connaissent pas un début de saison excompté. Washington, Philadelphie, les Redskins 3-2, les Eagles 4-1. C'est un match important pour les deux équipes. Là. Effectivement. Puis moi, un autre match qui m'intéresse. C'est sûr, les Bengals contre les Steelers. Oui, c'est sûr. Puis à 16h25, c'est à mon avis le match le plus intéressant. Les Steelers qui, bon... Ils ont bien joué contre Kansas City. Il n'y avait pas le choix. Il fallait sortir fort. Ouais. Ils ont bien joué. Contre les Bengals, normalement, à Pittsburgh, ça devrait être une victoire de routine pour les Steelers. Je m'attends pas à voir les Bengals. Mais si les Bengals, qui sont maintenant 2-3, veulent remonter, parce que dans cette division-là, tout est possible à l'heure actuelle. Ben, c'est un match que tu dois gagner. Si tu gagnes ce match-là, tu vas comme montrer que, oh, ok, t'as peu, là. On est peut-être pas mort. Mais si tu perds ce match-là, pas que c'est terminé, mais ça achève. Bon, ok. Hey, je veux te parler du match de jeudi soir. Est-ce que tu as vu la fin de match? Écoute, alors que je me lève, non, vrai, je l'ai vu en reprise. Des pénalités, c'est incroyable. Deux pénalités aux Chiefs en fin de match qui ont permis aux Raiders de... Tu sais, il y avait plus de temps, là. Il y avait plus de temps, puis on est allé deux pénalités. Ils l'ont carrément perdu, ce match-là. Ils l'ont perdu, mais moi, j'enlève pas de crédit aux Raiders. Non. Pour aller chercher la victoire. Ouais. Puis ça a été un sacré bon match. Moi, je m'attendais à un bon match, honnêtement. Puis les Chiefs, mine de rien, hey, ça change vite dans le football. Hein. Ouais. À la même heure, la semaine dernière, on était invaincus. Là, on a deux défaites. Ouais. Ça change très vite. Là. Effectivement. Donc, c'est les matchs qu'il faudra surveiller au cours du week-end. Marc, as-tu d'autres choses à ajouter en terminant? J'ai hâte que la saga Ezekiel Elliott prenne fin. Là. Je suis capable. Je suis tanné. Là, c'est rendu l'injonction de l'injonction. Les avocats, je pensais aux avocats, comment ils doivent faire de l'argent là-dedans, c'est incroyable. Ben, cause pour les avocats, par exemple. Ah, écoute, les avocats se remplissent les poches comme c'est pas possible. Tu sais, c'est rendu l'injonction de l'injonction de l'injonction. Ouais. Puis là, c'est épouvantable. Tu sais, moi, je trouve, c'est sûr, dans le cas de mort ou de blessure grave, je peux comprendre que ça sorte des règles de la ligue. Ouais. Mais quand c'est rendu, tu t'en vas en cours pour défendre des suspensions, fais de la misère avec ça. Oui, effectivement. Donc, Marc, on s'en reparle même heure, même poste la semaine prochaine? Absolument. C'est le commentaire de Marc Diquet.